Alors messieurs, je vous demande de permission pour un enregistrement, s'il vous plaît. Mais là, je ne Oh, Makuba, Makuba, ni yon bouk ki pa konnèt sa ki loto, ni lontan ite sav sa ki vre la vi. Pa bouzwen fè si kon nou pou fè tchembe red. Makuba, Makuba, ni yon bouk ki pa jamè desan fò fòns. Ni longtemps il te savent ça qui vrai la vie. pas besoin de faire si qu'on nous pour tchembe red. Makouba, Makouba, ni un bout qui pas jamais descendre pour faire mi moi, vous voyez, c'est ça. Quiero vivir tranquilito, pero me gusta el campo, quiero. je tombe, personne ne reviendra pour pas pousser. C'est au mon gars, c'est au. La semence, c'est pour l'éternité. Te souviens-tu, il avait tous chanté cette liberté qui les a fait tomber. À Montmartre, de Guantanamo à Soweto, et du Bronx à Belleville. Et l'écho des tambours disait Aïnama, Aïnama. Thank you. madame à moi. Dis filote madame à moi. Dis filote madame à moi. Allez qu'il est au bleu tuer moi. Dis filote madame à moi. Dis filote madame à moi. Dis filote madame à moi. Allez qu'il est au bleu tuer moi. En commande les répondait. C'est pour nous voir pelle en main. Que crier les tambouillés pour moi, bazar, baba, femme là. Allez, que les gars, ça va faire ma fille ou pas, c'est une raison.